veux être la seule pour qui tu n'auras que la seule, pour qui tu jurerais devant Dieu que seul moi te suffirais. Car tu es le seul à m'aimer pour ce que je suis, le seul à prendre soin de moi, et puis le seul à oublier que je suis Fanny J. À nouveau on passe avec moi, mais je respire et me sens à nous prouver. Si tu te demandes pourquoi je me sens bien avec toi, le superficiel avec toi je vis, tu m'aimes pour ce que je suis. Tout me plaît chez toi, et je sais bien qu'avec je toi, je suis naturel avec toi, je vis, tu m'aimes pour celle que je suis. Quand je vais mal, tu voles à mon secours. Je veux qu'avec toi ce soit jamais. J'ai du mal à t'offrir mon amour. Je veux qu'avec toi ce soit jamais. Dis-moi si aujourd'hui je peux te prouver.